Sur le loco, bon d'enfoiré. Hein? Sous bouteille et substance résineuse, trop de bouc grave instable à la base. Perte sur les routes sinueuses, là où le droit chemin n'a pas sa place. Encore un sale thème, j'rappe sec, au bout des lèvres un gros niaque. Sterbe, j'ai ma casquette, mes casques prévolent. Ma paire de fausse Nike Air, rien que ça traîne. Avec le crew, j'vois ma job comme le Black Bird. J'pick up mes frères trop sous qui foutent la merde dans les nightclubs. Grosse hérésie, poser des vides quand j'tise ma poisson. Alcool et résine, j'aime voir l'OCB Slim rempli à foison. Wesh, ça kick ou quoi? Si tu prends le mic, raconte pas de la merde, frère. J'débarque les poches vides, mais j'compte bien partir les mains pleines. Damn, bro, j'essaie de rester fort. Pas blocage quand je pète les bords, vrai désordre. Serre-moi un sky, coca, faut que le verre déborde. Soir, ce serait pas son père, j'm'enferme comme un pote en couple. C'est Alphone, tel voler mes verres, j'laisse tourner la prod en boucle. Reste à l'écoute là, tu me connais pas tant que ça. De ma bouche, sort tes balles. Et même si j'touche pas de monnaie là, t'en gâche, j'y mettrai corps et âme. Faut pas se faire d'illusions, à part les saisons, rien ne change. Y'a plein de solutions pour devenir quelqu'un de bien, j'pense. J'écoute bien quand j'ai pris le temps de mettre la parotte. Seul objectif, rendre fier la daronne. Faut pas se faire d'illusions, à part les saisons, rien ne change. Y'a plein de solutions pour devenir quelqu'un de bien, j'pense. Écoute bien, gros, j'ai pris le temps de mettre la parotte. Seul objectif, rendre fier la daronne. Antise, viser le mirage, me sens dépravé quand j'ai tort. J'pensais anticiper le virage avant de m'éclater dans le décor. On se retrouve au sous-sol en pensant monter les étages. Ça n'avance pas, fuck la poussole, j'me lance sans compter les étages. Oui, j'ai fait de la merde au collège, j'aimais pas trop l'école à 7 âges. J'viens choquer le rap game, gros, même si j'n'ai pas les épaules assez larges. Antise pure de salade, c'est l'heure de sortir une traque salade. Sur la prod, oui, j'tape ma balade de positif jusqu'à Panama. Là où trop de bouc frit, on bouge un arrière coup de chill. Matin de joie sans frawam, soit je reste au lit, soit je me bouge. Je suis prêt à souffrir pour mes gars, pas de coupe fil, je me plains pas, mais j'ai le sourire. Je garde espoir après le coup de fil de templa. Hein, l'aigreur on connaît, dans nos péchés on se dépense. On choisit les erreurs qu'on commet, pas les conséquences. Rien qu'on s'élance les yeux fermés, pas de programmation, d'accord. Balance la prod, j'pétale mic pour sa condamnation à mort. Faut pas se faire d'illusions, à part les saisons, rien ne change. Y'a plein de solutions pour devenir quelqu'un de bien, j'pense. Écoute bien, gros, j'ai pris le temps de mettre la parotte. Seul objectif, rendre fier la daronne. Faut pas se faire d'illusions, à part les saisons, rien ne change. Y'a plein de solutions pour devenir quelqu'un de bien, j'pense. Écoute bien, gros, j'ai pris le temps de mettre la parotte. Seul objectif, rendre fier la daronne. Rien ne change à part les saisons, rien. Rien ne change à part les saisons, rien. Rien ne change à part les saisons. Très peu trouvent les réponses, beaucoup perdent la raison. Rien, rien ne change à part les saisons. Rien ne change à part les saisons. Rien, rien ne change à part les saisons. Très peu trouvent les réponses, beaucoup perdent la raison. Sur le loco, bande d'enfoiré. C'est moi le petit bâtard qui fout la merde dans ta soirée. Hein, ça vient de Pau, place du château.